Et on enchaîne avec une critique DVD. Pirates des Caraïbes 3. Oui. Je sais pas, c'est quoi encore le titre? Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Le deuxième, c'était le trésor. L'histoire de trésor. Histoire de coffre. Voilà. Du truc bidule pirate. Coffre au trésor. Le coffre perdu. Puisque David Jones a son cœur dans un coffre. C'est ça. Voilà. Donc c'était voilà. Donc ici donc on est Dead Man Chest, le coffre de l'homme. Bout du monde. Voilà. Bout du monde quand je ne sais pas si on l'a vu pour venir dans le film ce bout du monde. Mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. D'accord. Ouais. Puisque c'est pas le plus important. C'est le 3 déjà. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un 2 avant forcément, ouais. Logiquement. Et, oui. Et à la fin du 2 qui était séparé du 1 en termes d'histoire. Oui. À part qu'on reprenait les mêmes personnages, ouais, il n'y avait pas tard, de suite directe alors par rapport 3, au 1. Alors que le 2, justement, il y avait un cliffhanger à la fin. Jack Sparrow, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Jack Sparrow, donc Johnny Depp, était mort à la fin du 2, dévoré par le Kraken. Oui. Vilaine bestiole. Et donc, qu'en est-il de Jack Sparrow dans le 3? Est-ce qu'il va revenir le... Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il est juste un peu mort? Non, il est vraiment mort. Non. Si. C'est un film sans Johnny Depp. Non. Ah. Parce que comme on est dans... Un peu d'imagination. On est dans pas de la mythologie, mais on est dans du fantastique. Même quand on est mort, on est toujours là, donc ça va. Ah. Donc le... On peut pas s'arrêter un si peu. L'épisode 3 s'ouvre donc sur un... Sur la quête donc de... Attends, que je rappelle bien tous les noms. De Barbarossa, incarné par Geoffrey Rush. Donc le méchant pirate depuis le début. Le méchant pirate qui était mort dans le premier et qui revient à la fin du 2. Donc en fait, c'est plein de gens qui étaient morts, mais finalement, voilà. Non. En fait, c'est totalement pompé sur voilà. Secret of Monkey Island. Jeu d'aventure de Lucas. Oui, faut pas le dire. Hein. Puisque au départ, rappelons-le, c'est vrai, tu m'y fais penser, Pirates des Caraïbes est donc une production Disney, oui. Qui est une adaptation libre, même très libre, d'une attraction à Disneyland, qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Donc, qui a elle-même inspiré Le Secret de Monkey Island de LucasArts, qui a été quand même une source d'inspiration non négligeable pour le film. Oui. Le grand recyclage hollywoodien. Voilà, recycle à tour de bras. Le développement durable, eux, ils connaissent par contre, tu vois. On retrouve notre ami Barbarossa, donc Geoffrey Rush. On retrouve aussi Bill Turner, Legolas. Orlando Bloom. Orlando Bloom. Mais oui. On retrouve Elizabeth Swann. Kira Knightley. Et tout ce petit monde partout, va chercher à délivrer Jack Sparrow de la mort. Ils vont aller le rechercher dans le domaine de David Jones, puisque David Jones, qui est le Hollandais volant, qui poursuivait Jack Sparrow dans David le 2. David Jones, c'est pas très hollandais pourtant. Mm. Ben non, mais voilà, c'est comme ça. Pas grave. Tu faut pas chercher de cohérence en. Mais le Hollandais volant, c'est pas parce qu'il était hollandais du tout. C'est un vrai pirate qui a existé. Mais non, c'était le surnom du gars, mais qui n'était pas du tout hollandais. Il était anglais. Voilà. Et donc David Jones, donc le Hollandais volant, comme je disais, qui est censé faire passer les morts de l'autre côté, mais dont il n'avait pas rempli sa mission depuis des années. Voilà. Bon, on apprend tout ça dans le 3, donc je ne vais pas tout vous raconter. Donc, Jack Sparrow est dans le domaine de David Jones et nos trois acolytes vont essayer de le récupérer. Pourquoi, en fait? Ben, voilà, parce que, j'allais le dire, Barbarossa s'est mis en tête de rassembler les 9 seigneurs de la cour des frères, qui sont, en gros, les 9 plus grands pirates à travers le monde, donc il y en a un pour tous les continents, donc on a un pirate. Il y a 9 continents ? Ah ouais. Ouais ? Je ne sais pas s'il y a 9 continents, mais en tout cas, il y a 9 pirates. Ils viennent des 9 coins de la planète. Mais en tout cas, on a un Français, forcément, on a un Italien, on a un Africain, on a un Asiatique. On en a même deux Asiatiques. On a un Chinois et on a un Japonais, donc Et puis il y en a d'autres encore, mais oui. Bref, c'est pas le plus important. En matière de géographie, je vais faire un truc qui n'a rien à voir, donc je me permets de t'interrompre grossièrement parce que sinon je vais oublier. Il faut que vous cherchiez, toi-même, hein, du... sur Dailymotion. Vous pouvez taper third grade. Alors third grade, c'est quoi? C'est are you smarter than a third grade? Êtes-vous plus malin qu'un enfant de primaire? Version américaine. Par version RTL. Third grade. Blonde Europe. Je vous explique pourquoi, parce que c'est les mots clés. Vous trouverez tout de suite le clip, etc. Qui apparemment on mis en ligne. On demande à une américaine où se trouve l'Europe. Non, on lui demande de quel pays européen la capitale est-elle Budapest. Et la madame est blonde. Et pendant 3 minutes 30, elle tente par tous les moyens en sa possession de nous le démontrer qu'elle est blonde. Et elle y parvient. Et elle, alors, quand on lui dit de quel pays d'Europe, elle regarde le présentateur d'un air affolé en disant « Mais je croyais que l'Europe, c'était un pays ?» Et le reste est à l'avenant. Donc c'est pour ça que je voulais, en matière de géographie, voilà. Est-ce que Pirates des Caraïbes 3 sera à la hauteur de la blonde américaine ? C'est possible. Je sais pas quel est le scénario, mais peut-être qu'il y avait une blonde dans le staff. Ah oui. Bon, bref, donc il cherche donc Barbarossa cherche à rassembler les 9 seigneurs de la cour des frères pour et donc forcément Jack Sparrow en fait partie parce qu'ils ont tous un objet particulier qui va permettre de délivrer Calypso. Calypso qui est la déesse des mers. C'est ça. Et pour les aider à se débarrasser de Lord Beckett. Qui s'est associé avec David Jones, donc le Hollandais volant. Donc c'était le monsieur à tête de poulpe dans le tome 2. Qui attendait un gars qui s'appelait Godot. Non, c'est pas lui. Beckett. Non, c'est pas lui. Quand je fais une blague, les gars, vous seriez gentils quand même de faire mais un effort. Non, mais c'est trop cultivé pour nous, dis. D'accord. Pas con. Donc Lord Beckett qui fait partie de la Compagnie anglaise des Indes, et donc il s'est associé avec David Jones. L'officier, donc, le méchant officier, voilà, le méchant veut se faire Keira Knightley. Et donc, non. Pour se débarrasser une bonne fois pour toutes Orlando de ces deux-là, eh ben Barbarossa veut délivrer Calypso, qui a été emprisonné dans une enveloppe humaine. Par les fameux frères, les 9 seigneurs, machin chose, et maintenant ils veulent la délivrer. Donc ils ont besoin de Jack Sparrow, donc ils veulent délivrer Jack Sparrow et ils ont besoin de cartes. Et donc, voilà. On sent déjà à quel point ça va être clair. Voilà, tout ça c'est ce que j'allais dire, tout ça m'a l'air un peu confus. Oui, et ça ne va pas s'arranger. Aïe. Donc puisque. Le film est court en plus. Oui, 2h30. Oui, hein. C'est ça. Ce qui devient un peu maintenant quand on regarde les films hollywoodiens, la durée moyenne d'un film, pratiquement. Mais c'est vrai. Tout et ça pour faire des suppléments au Kinépolis. Donc, où en étais-je? Je ne sais plus ce que je disais. Que ça devenait plus compliqué. Voilà, ça devient plus compliqué puisque, clairement, les scénaristes et le réalisateur jouent sur les acquis des deux précédents. Sauf que là, malheureusement, au fur et à mesure des tomes, bah, la magie un peu truculente du premier, elle part un peu à volo. On la retrouve quasiment plus dans le troisième épisode, même si dans le deuxième, ça devenait un... Ouais. Le deuxième faisait quand même déjà fort montagne russe. Hein. Voilà, bah ici c'est un petit peu la même chose, puisque le scénario qui est pas très fouillé malgré tout, et qui brasse un peu beaucoup de vide, mais qui est quand même assez compliqué. Pas très complexe, mais très compliqué, ou l'inverse. Il est pas très complexe, mais il est compliqué plutôt, ouais. Parce qu'il n'est pas très fouillé. Ça brasse un peu beaucoup de vide par moment, qui est même carrément tarabiscoté parfois. Parce que il y a des doubles malédictions, donc il en fallait deux. Pourquoi. Une traîtrise ne suffit pas, il y a des traîtrises. Des contre-traîtrises. Voilà, c'est lui. Moi, je veux ça. Alors, je trahis mon camp. Et puis, il y en a un autre qui dit moi, tout compte fait, je trahirai bien. Bref, ça part un petit peu parfois dans tous les sens. Parfois, c'est un petit peu. Surtout si on n'a pas revu le 2 récemment. Il y a parfois, on peut être un petit peu perdu en se disant bon, mais pourquoi ils sont partis chercher ce truc-là? Et. Donc, c'est peut-être mieux de revoir limite le 2 avant, même si, à mon avis, c'est pas franchement indispensable. Parce qu'on finit quand même. Une soirée, Pirates des Caraïbes. Voilà. On enchaînait 3 dans la. Au final, on finit quand même toujours par comprendre, parce qu'il nous. Un peu plus loin. Il récapitule, voilà, pour bien une fois qu'on comprenne. Alors, c'est toujours à base d'effets spéciaux trépidants et énorme par moment. Et numérique. Voilà, on a droit à des courses poursuites, des bagarres entre bateaux, entre anglais, pirates, les pirates qui se tirent dessus, les anglais qui tirent sur les pirates. Bref, tout le monde se bat. Une fois je suis dans ton camp, une fois je suis dans le camp de l'autre. Est-ce qu'il y a des gros monstres ? Oui, mais ici par exemple, dans l'épisode 3, David Jones et tout son équipage, donc d'hommes mi-poisson, mi-poulpe, mi-bestiole de la mer. Ça fait 3-4 000 là quand même. Quoi ? C'est pas grave. C'est mi-poisson, mi-homme, mi-poulpe. Ça ben fait oui, 3, parce 3 qu'il y en a qui, y en on a est qui dans sont, le fantastique. Il y en a oui, qui sont mi. Bah, par exemple, David Jones, il est mi-poulpe, mais il y en a un autre qui est mi-requin, mi. Mais bon, ouais, bref. Ils sont plusieurs en fait. Alors oui, ça fait tout de suite équipage, plus que de deux mille. Voilà. Tous ces mille. Il y en a d'autres qui sont juste couverts d'étoiles de mer et de petits machins ouais. qui s'accrochent. Et donc toute cette bande sont beaucoup moins exploités que dans le premier, par exemple. Dans le deuxième. Oui, dans le deuxième, par exemple. Pardon. On ne les voit qu'au bout d'une heure de film. Oui, donc c'est donc, une petite moitié. Voilà, une petite moitié. Ce qui est assez particulier aussi, c'est que on regarde ce film et puis on se dit, bon, là c'est l'introduction, ils viennent de délivrer Jack Sparrow, les choses sérieuses ont commencé. On a l'impression d'avoir un peu vu l'introduction, tu vois, le tout premier début où les choses se nouent avant que l'action commence. Et puis on regarde la minutage sur le DVD et on se rend compte qu'on est déjà à 45 minutes de film. Donc on se dit, ah, bon, on s'est pas ennuyé jusque-là, d'accord. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a par moments, on a l'impression qu'il ne se passe pas énormément de choses, même s'il y a beaucoup d'action à l'écran. Ce qui est assez un peu contradictoire malgré tout, mais bon. Donc, pour ce qui est de la réalisation, c'est notre ami Gore Verbinski qui a réalisé... À tes films préférés. Qui avait déjà fait les autres, en fait. Ouais, hein. Qui avait déjà fait les autres aussi, oui. Donc, il rempile pour le troisième. Qui avait fait très impressionnant. Qui avait fait Le Mexicain. Donc, une histoire d'amour avec un petit peu d'action avec Brad Pitt et Julia Roberts, que tout le monde a oublié depuis. Donc, c'est dire si c'était le film qui a marqué les esprits. Il avait fait aussi le remake avec James Gandolfini aussi. Oui. Le Soprano. Il avait fait aussi le remake de La Machine à explorer le temps. Oui. Si, si. Le remake. Tu as l'air, le remake. Je suis très sceptique parce que c'est le petit-fils d'A.G. Wells qui avait commencé, mais il a peut-être repris le tournage. Oui, peut-être il y a eu un truc. Il l'a réalisé en tout cas. Sur Allociné, il me le dit. Oula, Allociné, ce n'est pas une source d'information fiable. Enfin, mais bref. Oui, mais moi je ne parle pas anglais pour oui, donc, c'est pour pas IMDb. Grave. Donc, il a fait aussi le remake de The Ring. Ouais. Et le deuxième ? Ah non, le deuxième, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est l'original. C'est un japonais, ouais. Je ne sais plus son nom. Il est Onakata qu'il a fait. Et il a fait deux films que j'aime plutôt bien, donc surtout. Hein. Donc il a fait un film qui est passé totalement inaperçu et qui pourtant mérite d'être vu. C'est The Weatherman. The Weatherman avec Nicolas Cage. Où Nicolas Cage incarne un présentateur météo franchement loser, mm-hmm. avec une fille boulotte qui est un peu la risée, enfin bref, et il voudrait se remettre avec sa femme. Donc c'est un petit film qui est vraiment agréable à regarder. Ouais, ouais, comédie donc si vous tombez dessus mère, dans un vidéoclub et qu'il ne reste plus que celui-là, mais vous pouvez le prendre, vous passerez quand même une bonne soirée. Et puis il y a mon film préféré qui est La Souris. Qui a un film un petit peu à la un petit côté burtonien comme ça non je trouve dans Timber, à la Tim Burton oui dans l'univers un petit côté New York des années 20 mais un peu fantasmagorique avec une souris qui va mener la vie dure à deux frères donc si vous le tombez dessus devant le vidéoclub vous pouvez le louer je suis aussi. Quasiment sûr qu'il repassera pendant ses vacances de Noël c'est possible avec la boum. Entre la boum, vous aurez droit à la souris. Et donc, pour ce qui est de la réalisation. La grande oui, aussi. Et les Sissi impératrices aussi, on va tous les faire. Non, oh, si, non, tous non, les pas les Sissi. C'est incontournable. Tu préfères encore Angélique Marquise des Anges. Ah, ça se discute. Moi, j'avais un prof à l'UNIF qui nous disait vous allez voir, pendant les vacances de Noël, vous allez avoir droit à tous les Sissi. Sissi Manelan qui est Sissi. C'est pas drôle, c'était Prudhoe quand lui le faisait. Donc, pour ce qui est de tenir une caméra, le monsieur Gore Verbinski s'y entend quand même. Donc, la réalisation est plus qu'honorable. C'est évidemment, il y a pas de changement par rapport aux deux premiers. Bah oui, le 2 et le 3 ils étaient tournés dans la foulée, donc c'est assez logique finalement. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même des petits moments assez particuliers où on a presque l'impression, par exemple quand Jack Sparrow est en enfer, ou enfin c'est pas vraiment un enfer, mais il est du côté de la mort. C'est un petit côté fantasmagorique, presque à la Michel Gondry. C'est assez étonnant de trouver ça dans ce film. Mm-hmm. Et avec des cailloux en forme de crabe, et Johnny Depp qui se bat avec des espèces de doubles de lui-même. Enfin bref, il y a des moments comme ça un peu particuliers, c'est qu'ils sont vraiment très agréables à voir. C'est assez étonnant. Comme quoi, l'abus étonnant. De drogue, parfois, oui. Ça donne des grosses boursouflures avec des petits moments un peu bizarres. Voilà. Bon, Johnny Depp assure toujours le spectacle, et heureusement, parce que pour ce qui est des autres personnages, genre Orlando Bloom et comme il est mort, Keira Knightley. Comme il est mort, est-ce qu'on le voit quand même beaucoup ? On le voit tout le temps. Je t'ai dit, ils vont vite le chercher. Ça met 10 minutes, ils vont le chercher, ils le ramènent et hop, on est reparti. Non, 45 minutes en fait. Oui, mais on a l'impression que ça dure 10 minutes. Mais même quand eux vont le chercher, nous on le voit de l'autre côté. Donc, Est-ce que Keira Knightley n'arrête encore pas de tomber dans l'eau et d'avoir ses cheveux mouillés très sexy en arrière ? J'avoue que j'ai pas fait très attention mais à ce détail. Mais enfin, Virginie, qu'est-ce qu'on avait dit ? Elle a un très joli costume chinois. Ça, je dois... Chinois ? Oui, avec un très joli petit chapeau comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait enlever par... des Chinois. Attends que je retrouve son nom. Par Shou Feng. Ah, il est sûrement chinois avec un nom pareil. Et qui est incarné par Chou Yun-fat. Chou Yun-fat, un des plus grands acteurs hongkongais. Oui, je le connais très bien, Chou Yun-fat. Encore, il est très joli. Tu nous disais que... Donc, heureusement que Johnny Depp était là, parce que les autres... Oui, parce que les autres, voilà, ils font... Bon, les personnages de Keira Knightley et Orlando Bloom... Ils sont venus chercher leur chèque. Voilà, ils étaient insipides dans le 2, ils restent un peu insipides dans le 3. Donc, Johnny Depp assure toujours le spectacle. Il cabotine toujours à l'extrême. Même carrément plus qu'à l'extrême, parce que parfois, ça, je trouve que ça vire carrément cage aux folles, parfois. Mais bon, voilà. Il y va franco cette fois-ci. C'est-à-dire que... Tu vois. Parce qu'on l'avait dit, on te filme pas, vas-y, tu peux te lâcher. Et puis en fait, ça tournait et ils l'ont gardé. Michel Serrault, on n'est pas loin. Quand il nous fait le coup de la biscotte, parfois on n'est pas loin. Malgré tout, c'est Johnny Depp. Moi, j'ai toujours une petite. Ça va, dis tout de suite qu'il est beau. Hein. C'est marrant, non, moi c'est qu'il est Johnny Depp. Même quand il est sérieux ou quand il cabotine, j'ai du mal à ne pas aimer Johnny Depp. Donc. Heureusement qu'il y a lui aussi. Donc si vous êtes allergique à Johnny Depp. Oui, ça va être un peu... Là, ça va être difficile, parce que 2h30, même s'il est mort, on le voit tout le temps, donc... Bon, mais est-ce que malgré ça, on s'amuse quand même ? Oui, on s'amuse malgré tout. Même si le scénario est un peu, parfois un peu compliqué, si parfois ça brasse beaucoup de vide, il y a malgré tout les effets spéciaux, les batailles. Là où je mettrais quand même un sérieux bémol, c'est que l'humour potache... Ça va 2 minutes, mais là, ils en abusent beaucoup. Par exemple, pour vous donner une idée de l'humour potage du film, on a une scène filmée un peu la Sergio Leone, avec une musique à la Sergio Leone, à la Ennio Morricone, pardon, où on est sur un grand plan de mer, enfin sur le sable. Et, sur la plage, quoi. Voilà. Et où... les trois personnages, donc Keira Knightley, Jeffrey Rush et Jack Sparrow, sont filmés comme un duel de Sergio Leone. Donc on voit leurs pieds qui s'avancent vers leur ennemi, qui sont en face d'eux. Orlando Bloom. Keira Knightley, c'est les méchants, c'est les gentils aussi. Ouais. Et Orlando Bloom est dans les méchants, parce que bon, voilà, c'est une des trahisons. Ouais, voilà, on ne sait pas. Mais oui, il faut pas tout dire. J'ai dit pas tout. Pas spoiler. J'ai dit, mais tu ne Ce ne sera pas la seule trahison, donc ça passe de l'un à l'autre. Une fois je suis avec toi, une fois je suis avec toi. C'est doublement pas radiophonique, mais et il donc... faut vous expliquer que Bruno, pendant ce temps-là, se bouche les oreilles avec un air obstiné. C'est quoi cet échangisme narratif et donc, tu vois, de gentil et de méchant? C'est filmé au niveau des jambes qui marchent pour un genre duel. Et on arrive au plan des autres, en phase 2. Où on filme leurs pieds aussi, genre tu vois, le duel arrive. Duel de pieds. Et donc, on filme les pieds d'Orlando Bloom, on filme les pieds donc du capitaine Beckett, l'anglais, et on arrive à David Jones, qui lui a les pieds dans une bassine d'eau, parce que c'est à moitié poule. Donc, tu dis bon. Ça va deux minutes, mais bon. Ça fait rire les surtout enfants. Surtout que la scène, justement, le côté un peu détournement du duel westernien, c'était vraiment très bien. Jusqu'au moment où on arrive à cette espèce d'humour potache poussé à l'extrême. Et le problème, c'est que c'est pas une fois de temps en temps, c'est que c'est un plan sur deux du film. Il faut qu'ils nous mettent une grosse blague comme ça. Genre, on veut faire rigoler les enfants dans la salle. Ouais. Mais si j'ai bien compris le plan marketing du film, c'est quand même fort, fort orienté jeunesse, hein, malgré tout. Mais c'est quand même une attraction Disney au départ. Donc, ça, hein. Voilà. Donc, c'est une production Disney, non ? C'est peut-être un peu normal aussi que nous qui avons grandi, qui avons perdu cette innocence de la jeunesse, nous ne rions plus. Qu'on a le droit de faire des mauvais films quand on s'adresse aux gosses ? Oui, parce qu'ils sont bêtes. Mais non, mais apparemment quand même le premier, ça n'avait pas du tout beau être un petit budget, parce que le premier était déjà un budget déjà conséquent. Costaud, oui. Avait au moins cette fraîcheur de revisiter le genre. Avec humour et avec second degré. L'humour était quand même un peu plus subtil qu'ici. Oui, c'était pas infâme le premier. Non, c'était regardable. Non, c'est vrai. Un peu comme La Momie, on revisite un genre hollywoodien un peu plus classique avec des archétypes et une histoire tout ce qu'il y a de plus convenu. Quoique dans La Momie, l'héroïne féminine a d'autres atouts qu'Irène Knightley. Ce n'est pas faux. Mais c'était sympa, quoi. C'était old school, enfin même avec un côté un peu. Second degré, mais c'était rigolo. Tandis que là, apparemment, c'est quand même. Ça y va plus lourdement. Ils veulent capitaliser le succès du premier, donc ils ont voulu faire les deux autres qu'ils ont fait dans la foulée. Ils ont fait ça un peu. Je sais pas si c'est vraiment à la va-vite, mais en tout cas, le scénario, ils ont fait un truc un peu. On met 2-3 poncifs d'histoire de pirates, on va mettre des monstres dessus. Ouais, et puis ça on suffira. On va emballer quoi. Ça vite fait, on va demander à Johnny Depp. On va mettre de bons gros gags, on va demander à Johnny Depp. De faire la grande folle. De faire la grande folle. Et voilà, emballer, c'est pesé. Bon, malgré tout, ça se laisse quand même voir. C'est, à mon avis, une bonne demi-heure, voire même trois quarts d'heure, une heure en moins, aurait pas été trop. Voire même 2 heures en moins, non ? Non, ça, malgré tout, il y a quand même de bons moments. On rit quand même de temps en temps quand ils n'essayent pas d'en faire trop. C'est quand même pas infâme, donc. Voilà, ce n'est pas infâme. C'est pas non plus ce qu'on essaye de nous vendre. C'est quand même, il y a de l'action, voilà, c'est bien filmé, donc c'est plutôt un film pop-corn. Ouais, voilà. Genre une soirée où on n'a pas envie de réfléchir, où on veut avoir beaucoup d'effets spéciaux, où on veut un petit peu rigoler, on veut quelque chose de léger, où il faut pas qu'on sorte le dictionnaire à chaque mot pour essayer de comprendre où veut nous amener. En même temps, on n'en regarde pas beaucoup souvent des films où il faut sortir le dictionnaire. Non, non mais si vous en avez marre de réviser Kant, Heidegger et ce genre de choses. Ouais, trop dur. Faites un peu plus léger. Donc, mais n'achetez léger, peut-être pas. Apparemment, c'est pas super léger non plus. Non, c'est vrai. Mais n'achetez quand même peut-être pas l'édition triple DVD collector. C'est peut-être ça en fait. Si vous êtes vraiment fan. Oui, mais non, mais. Mais je crois qu'il n'existe qu'en version double ce film-là. Non, si, il y a une version simple. Non, je suis pas persuadée. J'ai pas vu la version simple. Je n'ai vu que la version double, moi. Donc vous êtes obligé de vous coltiner les bonus. Voilà. Oui. Qu'il y en a toute une flopée de bonus que je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir parce que je l'ai vu hier soir le film. Très mal. Oui, c'est mal. Donc, ça nous sera puni. Bon, qu'est-ce que tu as fait la journée au lieu de regarder les bonus ? Ça ne va pas du tout ça. Bref. Quant à moi. Donc il y a beaucoup de bonus. Je pense qu'il y en a bien une bonne dizaine. Ça passe du Mekoinov à je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et comme on n'a pas internet. Bref, il y en a plein. Et comme on n'a pas internet, on je n'ai pas pu aller voir. Mais bon, ça doit être bah, la, pas transcendant. Voilà. Les trucs très, très techniques, puisque le film est bourré d'effets spéciaux, puis des interviews d'acteurs en disant oh, on s'est bien marré. Et puis il y avait même des Rolling Stones et tout, c'était vraiment rigolo. Et oui, tout, on voit Keith Richards à la fin, il fait une petite apparition. C'est, oui, c'est normal, hein. Ça c'est Johnny Depp. Hein. Il avait dit qu'il ne voulait bien tourner le 2 et le 3 que si Keith Richards venait, parce qu'en fait Keith Richards, c'est son inspiration pour le rôle oui. de Jack Sparrow. Et on voit un petit peu où est son inspiration, sauf que c'est genre Keith Richards, mais version puissance 1000. Tu vois. Ah oui. Avec après un coup de Michel Serrault derrière. Ah oui. Donc. Et ça, on n'avait jamais pensé. Hein, Keith Richards avec Michel Serrault. En duo. Non, c'est ouais. vrai. T'as un peu tard maintenant. Ouais. Bon. Non, mais c'est un mix assez improbable. Oui, on pourrait essayer. Donc, pour conclure. Donc voilà, c'est à louer, à l'acheter si vous êtes vraiment fan. Parce qu'on ne passe pas 2h30 à s'ennuyer complètement. On passe quand même un spectacle. Correct, on va oui. dire, si on ne s'attend pas non plus à avoir quelque chose de très profond. Voilà, ça ne révolutionne pas le genre, on va dire. Non. Donc enfin, bon. C'est du spectacle pop-corn. Sans arrière-pensée. Voilà. Et sinon, vous pouvez toujours aller voir Beowulf. Hein oui. Comme un peu dans le même genre. Ça, c'est ça, c'est lâche. Ça, c'est très lâche, Bruno. On va régler Seigneur ça. Seigneur des Anneaux, c'est très très bien aussi. Et juste une histoire à dire, c'est que les DVD Disney, ils sont quand même pénibles à mettre. Trois quarts d'heure de bande-annonce de leur propre film oui, avant. Qu'on ne peut pas couper. Non, c'est assez pénible. C'est trouve. Très énervant. Ils ont bien trouvé le truc par rapport au VHS. On sent qu'ils veulent vendre leur DVD, hein, ouais, Disney. Ça, c'est sûr. Oh là là, mais Blanche-Neige 12, c'est si bien. Ah non, c'était les 101 Dalmatiens remasterisés avec un double DVD plein de bonus et tout.